Chapitre 28e. Bipard le traître. Quand le commissaire arriva au bureau, le malade injuriait horriblement Clafou et le brigadier, ce qui prouvait qu'il allait tout à fait bien. Par prudence, on lui avait enchaîné les mains et ligoté les pieds. Clafou se porta au-devant du commissaire pour se faire tout d'abord reconnaître de lui, puis pour lui dire qui était le prisonnier et ce qu'il fallait à toute force tirer de ce bandit. Cet homme était un repris de justice des plus dangereux, qui, après une dernière condamnation purgée, était astreint à la relégation. En se trouvant à Paris, il était par conséquent en rupture d'interdiction de séjour et en faute. Le commissaire fut bref avec lui. « Bipard, lui dit-il, il faut que nous nous entendions. » Le prisonnier voulut protester, nier, se défendre d'être Bipard, mais le commissaire, documenté par Clafou, le confondit et prouva qu'il ne pouvait se tromper sur l'identité de son prisonnier. « Ben quoi ? » hurla l'homme. « Après ! Vous n'avez pas le droit de me garder, je faisais rien de mal. »« Pardon, mon brave, pardon. D'abord, le séjour de Paris vous est interdit. Puis, vous avez frappé un agent et menacé de faire usage de votre couteau. Voilà assez pour justifier votre arrestation et votre maintien sous les verrous. »« J'ai pas frappé, j'ai pas... Assez, assez !»« Si on vous fait passer devant les juges, vous allez encore trinquer de quelques années. »« Je prendrai un bon avocat et nous verrons. » Vous aurez de bons juges et la loi est formelle. Ne discutons pas sur ce point, vous savez bien que vous êtes pincé et qu'il peut vous en cuire pas mal. Tant pis. Ne dites pas ça. Vous êtes absolument furieux et férocement ennuyé. La prison, ça me connaît. Le bagne, ça m'irait. Oui, oui. Seulement, vous seriez séparé de la grincheuse. À ce nom, Bipard tressaillit malgré lui. Le commissaire tenait la bonne corde, la seule qui vibrait chez cette brute. La guincheuse était une fille galante dont Bipard était follement épris. C'est pour elle, pour satisfaire à ses besoins d'argent qu'il volait, qu'il était le malfaiteur redouté. Pour elle, il était allé en prison, pour elle, il avait risqué l'échafaud. Il aimait la guincheuse d'un amour massif, lourd, d'animal jaloux et terrible, et il en souffrait grandement. La guincheuse se nommait ainsi sur les boulevards extérieurs parce qu'elle adorait la danse, qu'on appelle en argot la guinche, et qu'elle était la meilleure valseuse, la valseuse la plus gracieuse, la chaloupeuse la plus infatigable, celle qui savait être la plus enveloppante, la plus lascive, montrer le mieux son corps vicieux au spectateur, se donner le plus complètement au mal qui la faisait tourner. Parler à Bipard de la guincheuse, c'était se faire écouter. « Voilà, reprit le commissaire, si vous faites de la résistance, nous vous bouclons et la guincheuse dansera sans vous. » Bipard fit entendre un cri de rage. Et il y en a pas mal de bons danseurs qui sont autour de la guincheuse. Je les tuerai. Non, mon ami, non. Comme cette fois, vous serez gardé pendant pas mal d'années et relégué. Quand vous reviendrez, si jamais vous revenez, vous serez vieux, fini. Et la guincheuse vous aura tant et tant de fois remplacé. Elle aura guinché avec tant d'autres qu'elle ne reconnaîtra même pas le Bipard qu'en ce moment elle adore. Bipard se démenait à terre et, furieux, hurlant comme si on lui appliquait un fer rouge, essayait de briser les chaînes qui le maintenaient. Le commissaire le laissa épuiser sa rage impuissante, donner toute sa fureur, répandre toutes les injures. Puis il reprit. « Tandis que si Bipard veut être raisonnable, rien qu'un peu, eh bien on pourra s'entendre. « Qui ?» hurla le misérable. « Qui, moi, m'entendre avec la rousse ? Vous ne me comprenez pas bien. Je vous dis que si vous êtes raisonnable, vous pourrez tranquillement aller retrouver la guincheuse qui vous cherche. » et que les camarades guettent pour lui faire oublier l'absence de son Bipard. De nouveau, le misérable eut un accès de jalousie féroce. « Notez ceci, Bipard, dit le commissaire, que vous serez libre. Libre ? Demanda le bandit. Libre ? Oui, vous pourrez vous en aller. Quand ? Mais tout à l'heure. Assez à temps pour retrouver la guincheuse et l'empêcher de partir avec un autre. Vous me laisserez partir ? Demanda Bipard. Je m'en irai. Et non seulement vous partirez, mais encore nous fermerons les yeux et nous ne saurons pas que vous avez quitté votre séjour. Par conséquent, vous pourrez vous guincher tout à votre aise. » Le misérable maintenant s'était tu. Péniblement et encore très endolori, il se mit sur son séant, s'appuyant au pied du bureau du commissaire. D'une voix sombre et comme honteux, il se décida à demander « Qu'est-ce qu'il faut faire ?»« Pas grand-chose. Vous avez assisté à la réunion de la Barbotière. » Bipard coupa la parole au commissaire. Vivement, il s'écria « Si c'est pour me demander de trahir mes amis, il n'y a rien de fait. Jamais. Jamais je ne mangerai le morceau. Gardez-moi, bouclez-moi, puisque je suis fait, mais vous ne me ferez pas dire quoi que ce soit sur les camarades. » il ne s'agit pas de cela. Je vous vois venir. Quand même, je ne devrais plus jamais revoir la guincheuse, je ne dirai pas un mot. » Cette déclaration ferme ne manquait pas de grandeur chez ce misérable. Le commissaire et Clafou ne purent se défendre d'en admirer la triste noblesse, mais il n'était cependant pas homme à se laisser influencer. Très doucement, le commissaire reprit. « Nous le savons bien que vous ne trahirez pas vos camarades. Alors, aussi n'est-ce pas cela que nous vous demandons? Qu'est-ce que vous voulez? Un simple renseignement topographique. Topographique, oui. Nous savons où se tiennent les réunions de la Barbotière. Nous connaissons les mots de passe, à la vie, à la mort, nous savons tout. Alors je n'ai plus rien à vous apprendre. Nous voulons arriver jusqu'à la salle de réunion et nous voulons que quelqu'un nous y conduise. Cherchez. C'est vous. Jamais, jamais. Non? Dites alors bonsoir à la guincheuse. Bonsoir à la guincheuse. Et félicitez ces amants qui vous la donnaient du bonheur qu'ils vous devront. Bipard sursauta. Il fit de tels efforts dans sa fureur nouvelle qu'il parvint à se mettre à genoux et même à se dresser sur ses pieds. En lui se livrait un combat violent, terrible, entre sa passion de bête fauve, son amour pour cette femme et sa conscience rudimentaire, son point d'honneur spécial. Devait-il céder pour la guincheuse pour qui il avait volé, tué, pour qui il avait fait de la prison, souffert? Ou devait-il la sacrifier à ses amis, immoler son amour à la fidélité aux compagnons? Le commissaire comprit le parti qu'il devait tirer aussitôt de cette lutte qu'il pressentait dans cette âme rude et primitive, et vit qu'il avait tout bénéfice à précipiter les choses. « Voilà, vous allez nous conduire jusqu'à la Barbotière, jusqu'à la salle de réunion, et nous vous rendrons la liberté. Non, non. Sinon, le panier à salade vous cueillera dans une heure et c'est le dépôt. Non, non. C'est le tribunal, c'est la condamnation, le bagne, et 20 ans au moins sans revoir la guincheuse. » Bipard maintenant ne luttait plus. Il était comme accablé. Il se sentait vaincu. Et même des larmes de rage lourdement coulaient de ses yeux. « Vous me mettrez en liberté ? » demanda-t-il enfin. « Immédiatement. Sans me reprendre ? » ?»« Sans vous reprendre. Vous pourrez aller chez Clafou ou ailleurs rejoindre la guincheuse avant qu'un autre amant l'ait emmené. » Farouche, terrible, résigné, comme un bœuf qui reconnaîtrait le boucher et comprendrait ce qu'il va faire de lui, il dit « Allons !» Mais il demanda « Comment allons-nous y aller ? Pas comme ça. Il ne faut pas que les camarades nous aperçoivent. Alors ce n'est pas vous qui me priveriez de la guincheuse, c'est eux qui me tueraient. Rassurez-vous, personne ne reconnaîtra ni vous ni nous. » Le commissaire jeta sur les épaules du bandit un grand manteau, lui donna un chapeau mou qui lui masquait la figure, un cache-nez. Il était d'ailleurs facile de se cacher la figure. Depuis un long moment, la pluie s'était mise à tomber à torrents. Clafou et le commissaire changèrent aussi de costume. Le commissaire endossa un costume de velours à cotte, comme en ont les zingueurs, et Clafou se changea en cocher de fiacre qui va à son travail. Le dépôt des voitures étant dans le voisinage, c'était tout simple, tout logique comme déguisement pour la corpulence de Clafou. Deux autres agents, habillés diversement, les suivaient à quelque distance, et des agents en tenue furent postés dans les environs de la Barbotière. Dans la rue se tinrent des agents de la sûreté. La souricière est établie, dit le commissaire à Bipard. Si vous cherchiez à vous échapper, vous seriez repris. Et en ce moment, la guincheuse est gardée par deux de nos hommes. En cas de méchant tour que vous pourriez nous jouer, la guincheuse serait coffrée et perdue encore pour vous. Allons, allons, dit le bandit. Du moment que j'ai accepté de trahir mes camarades, je n'ai pas envie de vous tromper. Je suis votre prisonnier. Ma liberté et mon bonheur sont à votre merci. Marchons. Le commissaire et Clafou délièrent la chaîne qui retenait les pieds du Bipard et lui enlevèrent les menottes. Mais Clafou passa sa rude main sous le bras du bandit, comme dans un geste amical, et Bipard put sentir la poigne terrible de cet homme. D'ailleurs, il la connaissait déjà et en ressentait encore les effets douloureux. « Pressons un peu, » dit Bipard. « En ce moment, il n'y a plus personne à la Barbotière, sauf le mouleur en plâtre qui dort. » Les trois hommes quittèrent donc le commissariat sous la pluie battante, se hâtant autant que possible. Bipard, encore souffrant, marchait péniblement, et le geste de Clafou le tenant par le bras semblait tout naturel. On eût dit d'un brave homme ramenant au logis son camarade ivre. À quelque distance en avant, en arrière, marchaient des agents de la sûreté requis entre-temps. De la rue de la Tour d'Auvergne à l'impasse de Guelma, le chemin n'est pas long. En quelques minutes, quoique n'allant que lentement, les trois hommes le parcoururent. Ils passèrent par la rue Victor Massé, la rue Frochot, et parvinrent à la place Pigalle qu'ils n'avaient plus qu'à traverser. Clafou redoutait la rencontre de compagnons de Bipard, d'affiliés aux aides qui pourraient reconnaître le prisonnier, donner ensuite l'éveil, et faire manquer l'entreprise. Cela, heureusement, ne se produisit pas. D'ailleurs, Clafou et le commissaire se gardèrent bien de pénétrer dans l'impasse de Guelma, en passant devant le bar de la Barbotière. Ils firent le tour des immeubles, remontèrent et entrèrent dans l'impasse par une porte donnant sur une cour qui s'allongeait jusqu'à la rue des Abbesses. La pluie torrentielle avait en outre chassé des rues les derniers noctambules. Donc, absolument certain que personne n'avait pu les deviner, les reconnaître, les suivre, le commissaire, Clafou et Bipard descendirent jusqu'à l'atelier du mouleur en plâtre. Bientôt ils en ouvraient la porte. « Regarde bien ceci, » dit Clafou à Bipard, lui montrant un revolver. « Au moindre geste de trahison, je te brûle la cervelle. » « c'est bon, » répondit Bipard. On entra dans l'atelier. Le mouleur dormait profondément. Néanmoins, quand on toucha la clé qui se trouvait sur la porte de son atelier, il se réveilla. « Qui va là ? » cria-t-il. « Zalavi, » lui dit Bipard. « Zalamor. » « Bon, t'inquiète pas, je viens prendre quelque chose en bas. »« Hein, en bas ?» fit le mouleur. « C'est bon, descends. » Bipard demanda. « S'est-il éclairé ?»« Non, » répondit le mouleur. « Mais j'ai chargé les lampes. C'est plein, il n'y a qu'à allumer. » « Bien, bien. Dors, j'allumerai moi-même, j'allumerai. » Avec la plus grande attention, Clafou et le commissaire écoutèrent les paroles qu'échangeaient les deux hommes. Bipard dit à Clafou. « Nous allons prendre cette lampe pour nous guider, puisque celles du couloir sont éteintes. » Il la désigna sur une petite table. Le commissaire s'en chargea. Clafou maintenant tenait Bipard par le poignet droit, et il gardait à la main le revolver armé. « Si tu nous trompes, » fit-il encore, « si tu nous fais tomber dans un traquenard, tu y passes, arrange-toi. » Bipard haussa les épaules. « Si vous avez peur, fallait pas me dire de vous conduire. » Il poussa une porte et montra le chemin que prenaient les affiliés. Les trois hommes descendirent ainsi dans la cave, puis s'engagèrent dans les anciens couloirs des mines de gypse. Plus on avançait, plus le cœur de Clafou battait. Chaque pas, il le sentait, le rapprochait de Paulin Broquet. Les minutes lui semblaient des siècles, et lui tardait d'arriver à la salle du Parlement, au tribunal, au lieu d'exécution. Il lui tardait de mettre son revolver sur la tombe de Bipard en lui criant « Maintenant tu vas nous dire où est Paulin Broquet ?» Tous trois marchaient depuis un assez long moment dans ces galeries, pataugeant dans la boue grise, gluante. La lueur que la tempe projetait faisait danser des ombres fantastiques. À gauche, à droite, ce couloir, celui-ci au milieu, disait de temps en temps Bipard en désignant la direction. Les trois hommes reprenaient leur marche péniblement ou s'engluant ou glissant. Ils chancelaient et risquaient de tomber très souvent. « Y sommes-nous bientôt ?» demanda Clafou, à qui cette promenade si longue paraissait inquiétante. « Nous y sommes bientôt, » répondit Bipard, « après ce couloir. » Mais à ce moment, il chancela, glissa et s'abattit à terre. Il poussa un cri de douleur. « Je me suis tordu le pied. C'est gai pour la promenade. C'est justement la patte que vous m'avez abîmée. Appuie-toi sur moi. Allons, un peu de courage, » lui dit Clafou, dont l'impatience augmentait. On se remit en route plus lentement, plus difficilement. « Heureusement que nous y sommes, » dit Bipard. Il ajouta, désignant un couloir qui s'ouvrait long et sombre devant eux. « C'est là, au bout de cette galerie, que se trouve le Parlement. » Il s'arrêta. « Oh, accordez-moi une minute de repos. Ma patte ne me porte plus. » Il s'appuya au dos au mur, paraissant vraiment souffrir. Clafou lui avait lâché le bras, et pensant aux minutes qui s'écoulaient et qui le séparaient de Paulin Broquet, certain que là, dans ce couloir, cet homme blessé ne pourrait lui échapper, ni même penser à le faire. Il le laissait libre, l'encourageait à reprendre la route. Le commissaire s'était également rapproché. « Allons, un peu de nerf, puisqu'on y est. »« Oui, » s'écria Bipard, « on y est, là, à quelques mètres, se trouve la salle, où avec une audace merveilleuse Paulin Broquet a pénétré. Là se trouve le tribunal qui l'a jugé. Là se trouve le trou dans lequel on l'a jeté. Misérable !» cria Clafou aussitôt. Bipard, qui se tenait courbé, fautant son pied endolori, tout à coup se releva, bondit. D'un revers de main, il fit tomber à terre la lampe que portait le commissaire. La lampe s'éteignit dans la boue. Un cri de douleur retentit. Clafou venait de recevoir dans le dos un coup de couteau dont, en prenant la lampe tout à l'heure, très adroitement, Bipard s'était muni. Et dans la nuit maintenant, Clafou blessé, le commissaire désorienté, entendirent de grands éclats de rire. « Allons, allons, messieurs !» dit une voix railleuse, dominant les rires. « Allons, vous n'êtes pas de force à lutter avec Zigomar. Vous vouliez savoir où est Paulin Broquet ? Rien de plus simple, vous allez le rejoindre. » Des voix retentirent, des applaudissements, des bravos. « Vive Zigomar !» En même temps, une lueur violente éclaira les voûtes, un coup de tonnerre les ébranla, une explosion se produisit, et une partie des galeries s'écroula dans un fracas épouvantable. Les bandits venaient de faire sauter leurs repères. Certes, ce ne devait pas être sans ennui qu'ils s'étaient décidés à cette extrémité, car cette retraite était pratique, commode et sûre. Mais il était dans leur principe que tout repère qui était découvert, connu, devait être abandonné, détruit. Aussi, dès les premiers temps qu'ils occupèrent la barbotière, prirent-ils le soin de la miner, c'est-à-dire de préparer le moyen de faire sauter les galeries qu'ils avaient aménagées pour leur usage. De la dynamite était distribuée habilement dans diverses mines, bien disposées, bien situées pour provoquer l'effet désiré. Ces mines étaient reliées par des piles électriques à l'atelier dans lequel le mouleur, ou bien un autre homme, se tenait constamment de garde. Dans les couloirs souterrains, d'autres postes électriques, dont les chefs seuls connaissaient le secret, se trouvaient placés, qui permettaient, en cas de surprise, de poursuite, de faire écrouler telle ou telle voûte pour arrêter l'envahissement ou favoriser la fuite. Chaque jour, les mines étaient visitées, examinées, vérifiées. Et avant, de même qu'après chaque séance, on passait des inspections supplémentaires. Quand Bipard parla au mouleur, il est certain qu'il lui posa en langage convenu diverses questions qui ne pouvaient paraître anormales au commissaire ou à Clafou, mais qui signifiaient tout autre chose que ce qu'elles permettaient de comprendre en langage ordinaire. « Les lampes chargées, c'est plein. Il n'y a qu'à allumer. » dont Bipard et le mouleur avaient parlé, évidemment, signifiaient les mines. Mais les couloirs n'étaient pas vides, comme le prétendait Bipard au commissariat. Le « c'est plein » du mouleur en plâtre devait signifier qu'il y avait encore là des affiliés. Ceux-ci d'ailleurs furent prévenus pendant que le commissaire et Clafou s'engageaient dans les couloirs. On comprend pourquoi Bipard fit faire à ceux qu'il conduisait tant de détours, un si long chemin. Il voulait donner le temps à ses compagnons de se mettre en garde, de fuir. Lui, quand il jugea le temps suffisant, pensa à fuir à son tour. Il simula la chute, la foulure aux pieds. Quand il s'appuya du dos à la muraille, se disant incapable de marcher, d'aller plus loin, ce n'était pas sans cause. Ce mur, que rien ne pouvait, surtout avec si peu de clarté, montrer différent des autres murs, était tout bonnement une paroi en bois recouverte de peinture grise, fermant un couloir et formant porte. Bipard, en s'y appuyant, se plaça devant une fente étroite se trouvant entre les planches et qu'on pouvait prendre pour une des 1000 crevasses des murailles de la voûte. Mais par cette fente, un bout de bois plat, comme une lame de couteau, passait. C'est sur elle que se posait Bipard, car c'est par cette lame de bois, par coup convenu, que les affiliés placés derrière la porte lui apprirent que tout était prêt et qu'il pouvait agir. Alors Bipard, après avoir dit ce que les aides avaient fait de Paulin Broquet, bondit, éteignit la lampe et frappa d'un coup de couteau Clafou. Puis il se sauva par la porte de bois entrouverte derrière lui, et il se retrouva au milieu de ses compagnons, ayant admirablement et fort heureusement joué son rôle. L'explosion produisit l'effet attendu. Les piliers qui soutenaient la voûte de la salle du Parlement, coupés par la dynamite, s'écroulèrent, et le plafond s'abattit, écrasant tout, ne laissant aucun vestige, aucune trace de ce qu'était cette salle, et fermant sous sa masse l'orifice du puits dans lequel à jamais Paulin Broquet se trouvait plongé. Clafou et le commissaire ne furent pas écrasés, mais en avant, en arrière, un amas de décombres leur fermait tout issue et les condamnait à périr lentement, étouffés ou à mourir de faim. La nuit, l'obscurité complète à laquelle ils étaient condamnés, ajoutait encore à leur supplice. Et Clafou souffrait horriblement de sa blessure. Leur situation était épouvantable. Ils s'en rendaient compte parfaitement, car il ne fallait pas espérer qu'on pourrait arriver jusqu'à eux avant de longs jours de travail, de longues semaines de recherche, et d'ici là, ils seraient morts. Ils essayèrent cependant tout ce que dans leur situation désespérée, des hommes de courage, d'action, devaient tenter. Ils s'attaquèrent à un des côtés écroulés, roulèrent des blocs de pierre, cherchèrent à dégager le couloir, mais ils n'avaient que leurs mains, et ils comprirent bientôt que tout effort demeurerait vain. Ils se heurtaient à la matière implacable, aux pierres, aux murs, et contre cela, contre cette inertie, toute la volonté, toute l'énergie d'hommes trempés cependant comme eux, admirablement, devait fatalement demeurer impuissante. Pour eux, c'était la plus épouvantable des morts, la plus lente, la plus affreuse des agonies. Ils allaient périr à quelques pas de celui qu'ils espéraient secourir, sauver peut-être, ils allaient mourir sur la tombe du vaillant Paulin Broquet.